Chapitre 126e, où Monsieur de Sartines commence à croire que Balsamo est sorcier. Au tintement précipité de la sonnette de Monsieur de Sartines, un huissier accourut. « Eh bien ?» demanda le magistrat. « Cette femme ? Quelle femme, monseigneur ?»« Cette femme qui s'est évanouie ici et que je vous ai confiée. »« Monseigneur, elle se porte à merveille, » répliqua l'huissier. « Très bien, amenez-la-moi. » « Où faut-il aller chercher, monseigneur ?»« Comment ? Mais dans cette chambre ?»« Elle n'y est plus, monseigneur. » « Elle n'y est plus. Où est-elle donc alors ? Je n'en sais rien. »« Elle est partie ? » ?»« Oui. » »« Toute seule ? » ?»« Oui. » »« Mais elle ne pouvait se soutenir. »« Monseigneur, c'est vrai. » Elle demeura quelques instants évanouie. Mais 5 minutes après que M. de Phénix eût été introduit dans le cabinet de monseigneur, elle se réveilla de cet étrange évanouissement auquel ni essence ni sel n'avaient apporté de remède. Alors elle ouvrit les yeux, se leva au milieu de nous tous et respira d'un air de satisfaction. Après, elle se dirigea vers la porte et, comme monseigneur n'avait en rien ordonné qu'on la retînt, elle est partie. « Partie ? » s'écria M. de Sartines. « Malheureux que vous êtes, je vous ferai tous périr à Bicêtre. Vite, vite, comme on voit mon premier agent !» L'huissier sortit vivement pour obéir à l'ordre qu'il venait de recevoir. « Le misérable est sorcier, » murmura l'infortuné magistrat. « Je suis lieutenant de police du roi, moi. Il est lieutenant de police du diable, lui. » Le lecteur a déjà compris sans doute ce que M. de Sartines ne pouvait s'expliquer. Aussitôt après la scène du pistolet, et tandis que le lieutenant de police essayait de se remettre, Balsamo, profitant de ce moment de répit, s'était orienté et se tournant successivement vers le 4 points cardinaux, bien sûr de rencontrer Lorenza Verlande, il avait ordonné à la jeune femme de se lever, de sortir et de retourner par le même chemin qu'elle avait déjà pris, c'est-à-dire rue Saint-Claude. Aussitôt cette volonté formulée dans l'esprit de Balsamo, un courant magnétique s'était établi entre lui et la jeune femme, laquelle, obéissant à l'ordre qu'elle recevait par intuition, s'était levée et retirée sans que personne s'opposât à son départ. Monsieur de Sartines, le soir même, se mit au lit et se fit saigner. La révolution avait été trop forte pour qu'il pût la supporter impunément, et un quart d'heure de plus, assure le médecin, il eût succombé à une attaque d'apoplexie. Pendant ce temps, Balsamo avait reconduit la comtesse à son carrosse et avait essayé de prendre congé d'elle. Mais elle n'était pas femme à le quitter ainsi sans savoir, ou tout au moins sans chercher à savoir le mot de l'étrange événement qui venait de s'accomplir sous ses yeux. Elle pria donc le comte de monter près d'elle. Le comte obéit et un piqueur emmena Jerry d'en main. « Vous voyez, comte, si je suis loyal, » dit-elle, « et si, quand j'ai appelé quelqu'un mon ami, j'ai dit la parole avec la bouche ou avec le cœur ?» J'allais retourner à Lucienne où le roi m'a dit qu'il devait venir me voir demain matin. Mais votre lettre est venue et j'ai tout quitté pour vous. » Beaucoup se fussent épouvantés de ces mots de conspiration et de conspirateur que M. de Sartines nous jetait à visage. Mais je vous ai regardé avant que d'agir et j'ai fait selon vos vœux. « Madame, » répondit Balsamo, « vous avez payé amplement le faible service que j'ai pu vous rendre. Mais avec moi rien n'est perdu. Je sais être reconnaissant. Vous vous en apercevrez. Ne croyez pas cependant que je sois un coupable, un conspirateur, comme dit M. de Sartines. Ce cher magistrat avait reçu des mains de quelqu'un qui me trahit ce coffret plein de mes petits secrets chimiques. Secrets, madame la comtesse, que je veux vous faire partager, pour que vous conserviez cet immortel, cette splendide beauté, cette éblouissante jeunesse. Or, voyant les chiffres de mes formules, le cher M. de Sartines a appelé à son aide la chancellerie, laquelle, pour ne pas se laisser prendre en défaut, a interprété mes chiffres à sa manière. Je crois vous l'avoir dit une fois, madame, le métier n'est pas encore affranchi de tous les périls qui l'entouraient au Moyen-Âge. Il n'y a que les esprits intelligents et jeunes comme le vôtre qui lui soient favorables. Bref, madame, vous m'avez sauvé d'un embarras. Je vous en témoigne et vous en prouverai ma reconnaissance. Mais que vous eût-il donc fait si je ne fusse pas venu à votre secours ? Il m'eut, pour faire pièce au roi Frédéric, que sa majesté déteste, renfermé à Vincennes ou à la Bastille. J'en sais sorti, je le sais bien, grâce à mon procédé pour fondre la pierre sous le souffle. Mais j'eusse perdu à cela mon coffret, qui renferme, j'ai eu l'honneur de vous le dire, beaucoup de curieuses et d'impayables formules arrachées par un heureux hasard de la science aux éternelles ténèbres. Ah, comte, vous me rassurez et me charmez tout à la fois. « Vous me promettez donc un filtre pour rajeunir ?»« Oui. »« Et quand me le donnerez-vous »« Oh, nous ne sommes pas pressés. Vous me le demanderez dans 20 ans, belle comtesse. Maintenant, je pense que vous n'avez pas envie de redevenir enfant. Vous êtes un homme charmant, en vérité. Mais une dernière question et je vous laisse, car vous me semblez fort pressé. Parlez, comtesse. Vous m'avez dit que quelqu'un vous avait trahi. Est-ce un homme ou une femme? C'est une femme. Ah, comte. De l'amour? Hélas, oui. Doublé d'une jalousie qui va jusqu'à la rage, et qui produit les beaux effets que vous avez vus. Voilà une femme qui, n'osant me donner un coup de couteau, parce qu'elle sait qu'on ne me tue pas, a voulu me faire enterrer dans une prison ou me ruiner. Comment vous ruiner? Elle le croyait, du moins. Comte, je fais arrêter, dit la comtesse en riant. Est-ce donc au vif argent qui court dans vos veines que vous devez cette immortalité qui fait qu'on vous dénonce au lieu de vous tuer? Faut-il que je vous descende ici ou que je vous reconduise chez vous? Non, madame, ce serait trop de bonté à vous que de vous déranger pour moi de votre chemin. J'ai là mon cheval Géride. Ah, ce merveilleux animal qui dépasse, dit-on, le vent à la course. Je vois qu'il vous plaît, madame. C'est un magnifique coursier, en effet. Permettez-moi de vous l'offrir, à cette condition que vous le montrez seul. Oh non, merci. Je ne monte pas à cheval, ou du moins, j'y monte fort timidement. Votre intention a donc pour moi tout le mérite du présent. Adieu, cher comte, n'oubliez pas, dans 10 ans, mon filtre régénérateur. J'ai dit 20 ans. Comte, vous connaissez le proverbe. J'aime mieux tenir. Et même si vous pouvez me le donner dans 5 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand il vous plaira, comtesse. Ne savez-vous pas que je suis tout à vous? Un dernier mot, comte. J'écoute, madame. Il faut que je vous aie en bien grande confiance pour vous l'adresser. Balsamo, qui avait déjà mis pied à terre, surmonta son impatience et se rapprocha de la comtesse. On dit partout, continua madame du Barry, que le roi du goût pour cette petite tavernette. Ah, madame, dit Balsamo, est-ce possible? Un goût fort vif, à ce qu'on prétend. Il faut que vous me le disiez. Si cela est vrai, comte, ne me ménagez pas. Comte, traitez-moi en ami, je vous en conjure. Comte, dites-moi la vérité. Madame, répliqua Balsamo, je ferai plus. Je vous garantis, moi, que jamais mademoiselle André ne sera la maîtresse du roi. Et pourquoi cela, comte? S'écria madame du Barry. Parce que je ne le veux pas. Dit Balsamo. Oh! Fit madame du Barry incrédule. Vous doutez? N'est-ce point permis? Ne doutez jamais de la science, madame. Vous m'avez cru quand j'ai dit oui. Quand je dis non, croyez-moi. Mais enfin, vous avez donc des moyens. Elle s'arrêta en souriant. Achevez! Des moyens capables d'annihiler la volonté du roi ou de combattre ses caprices? Balsamo sourit. Je crée des sympathies, dit-il. Oui, je sais cela. Vous y croyez même? J'y crois. Eh bien, je créerai de même des répugnances et au besoin des impossibilités. Ainsi, tranquillisez-vous, comtesse, je veille. Balsamo répandait tous ses lambeaux de phrases avec un égarement que madame du Barry n'eût pas pris, comme elle le prit pour de la divination, si elle eût connu toute la soif fiévreuse qu'avait Balsamo de retrouver Lorenza au plus vite. Allons, dit-elle. « Décidément, comte, vous êtes non seulement mon prophète de bonheur, mais encore mon ange gardien. Comte, faites-y bien attention, je vous défendrai. Défendez-moi. Alliance, alliance. »« C'est fait, madame, » répliqua Balsamo, et il baisa encore une fois la main de la comtesse. Puis, refermant la portière du carrosse que la comtesse avait fait arrêter aux Champs-Élysées, il monta sur son cheval qui hennit de joie et disparut bientôt dans l'ombre de la nuit. « À Lucienne !» cria madame du Barry consolée. Balsamo, cette fois, fit entendre un léger sifflement, pressa légèrement les genoux et enleva Géride qui partit au galop. 5 minutes après, il était dans le vestibule de la rue Saint-Claude, regardant Fritz. « Eh bien » demanda-t-il avec anxiété. « Oui, maître, » répondit le domestique, qui avait l'habitude de lire dans son regard. « Elle est rentrée ? Elle est là-haut. Dans quelle chambre ? Dans la chambre aux fourrures. Dans quel état ? « Oh, bien fatiguée !» Elle courait si rapidement que moi qui l'avais venir de loin, parce que je la guettais, je n'eus pas même le temps de courir au-devant d'elle. En vérité. « Oh, j'en étais effrayé. Elle est entrée ici comme une tempête. Elle a monté l'escalier sans prendre haleine et tout à coup, en entrant dans la chambre, elle est tombée sur la peau du grand lion noir. Vous la trouverez là. » Balsamo monta précipitamment et trouva en effet Lorenza qui se débattait sans force contre les premières convulsions d'une crise nerveuse. Il y avait trop longtemps que le fluide pesait sur elle, et la forçait à des actes violents. Elle souffrait, elle gémissait. On nous dit qu'une montagne pesait sur sa poitrine, et que des deux mains, elle tentait de l'écarter. Balsamo la regarda un instant d'un œil étincelant de colère, et l'enlevant entre ses bras, l'emporta dans sa chambre, d'où la porte mystérieuse se referma sur lui.